La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Il s'agit d'une maladie gynécologique fréquente qui touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer, son nom l'endométriose. Mais cette maladie commence à peine à sortir de l'ombre, longtemps taboue et minimisée car directement liée aux règles. L'endométriose est encore souvent banalisée, ramenée justement à de simples règles douloureuses. Même si cette maladie chronique est bénigne, ses conséquences peuvent être très invalidantes, comme on va le voir pour celles qui en sont atteintes. La tête au carré lui consacre son dossier cet après-midi à l'occasion de la 15e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose qui commence aujourd'hui. Quels sont donc les signes qui doivent alerter? Peut-on soulager efficacement les douleurs? Et dans quel cas doit-on se faire opérer? Ce sont les questions que nous allons aborder avec mes invités qui vont répondre à tous vos messages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous retrouver. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une, Héloïse, aujourd'hui on s'intéresse à la façon dont les baleines perçoivent leur environnement à travers leurs sens. Oui, on va parler d'une étude qui a mis en évidence les capacités olfactives des baleines, parce que oui, les baleines ont du nez, même si les scientifiques ne s'étaient pas vraiment penchés sur la question jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Frédéric Milano qui réalise aujourd'hui cette émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Dossier donc consacré cet après-midi à l'endométriose, à l'occasion donc de cette semaine européenne qui concerne cette maladie gynécologique. 10% donc des femmes au moins en âge de procréer sont atteintes par l'endométriose. Pour en parler, répondre à vos messages avec moi en studio, Éric Petit, vous êtes radiologue et fondateur du centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis depuis les studios de France Bleu à Rouen, nous sommes en ligne avec Isabella Chanavaz-Lacheret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue au centre de l'endométriose de la clinique Tivoli à Bordeaux. Éric Petit, les chiffres montrent donc à quel point cette maladie est très courante chez les femmes, encore mal connue, à la fois d'ailleurs chez les patientes, mais aussi dans le corps médical. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Puisqu'on vit depuis 4000 ans sur un mythe qui sont que les règles sont considérées comme normalement douloureuses chez la femme. Ouais. Et donc déjà, ça c'est un grand obstacle pour faire progresser les mentalités, et ça se fait pas, on renverse pas 4000 ans d'erreurs comme ça en 10 ans, même si on en parle de plus en plus depuis une dizaine d'années, grâce aux associations de patientes, notamment, qui se sont dit qu'il fallait aller au combat elles-mêmes, parce que les choses progressent difficilement dans l'inconscient de tout le monde, y compris dans le corps médical. Et donc, c'est tout à fait louable à vous de nous inviter pour en parler, car il faut encore faire beaucoup d'efforts pour sensibiliser les patientes, qui croient que régulièrement, y compris leur entourage, qu'avoir des règles douloureuses, c'est tout à fait normal. Alors, jusqu'à un certain degré, pourquoi pas, mais au-delà d'un degré qui les rend handicapés sur le plan fonctionnel, social, professionnel, c'est tout à fait anormal. Il y a donc une véritable maladie organique derrière, et l'on a catégorisé cette souffrance toujours dans la psyché féminine. Ouais. Et donc très longtemps, finalement, pour en raccourci, je dirais qu'on a confondu l'hystérie et l'endométriose. Incroyable, donc il est largement temps d'en sortir, c'est le cas quand même, les choses sont en train de bouger. Isabella Chanavaz-Lacheret, avec d'ailleurs cette semaine européenne, la 15e, consacrée à l'endométriose, qui est très importante pour justement informer le public et lutter contre les tabous qui sont liés à cette maladie. Complètement, parce que, comme le disait Eric Petit, t'as mal au ventre pendant tes règles, bah, va prendre un médicament, va te coucher, ça va passer. Mmh. Et quand on est une ado tordue de douleur, qu'on est obligé de finir à l'infirmerie, de demander à ses parents de venir la chercher et de louper l'école tous les mois, ça c'est vraiment des éléments qui doivent interpeller et se dire, ça ressemble à de l'endométriose ça. Ouais. Vous parlez des adolescentes, ce sont surtout les jeunes femmes qui sont concernées a priori ? Non, toutes les femmes à toutes les catégories d'âge, mais c'est une maladie qui débute probablement dès l'adolescence, même s'il y a des formes qui se révèlent plus tardivement, et il faut déjà être sensibilisé à ça le plus tôt possible. Ouais, Éric Petit. Absolument, je confirme. D'ailleurs, le thème de l'endométriose chez l'adolescent est encore largement sous-estimé. Il y a encore beaucoup de gynécologues qui pensent que c'est une maladie de la femme d'âge mûr. C'était ce qui était relativement dit dans les il y a 150 ans, au début de la découverte de la maladie en tant que telle. Mais en fait, ça commence vraiment très tôt, puisque c'est une maladie qui affecte la femme dans dès ses premières règles, et ce jusqu'à la ménopause. Donc c'est une maladie chronique. Oui. Et ça qu'il faut bien intérioriser, bien comprendre. Ce n'est pas une maladie aiguë, c'est une maladie chronique. Il faut apprendre à vivre avec. Et ça, c'est évidemment important pour l'améliorer, la soulager. On peut l'accompagner, nous professionnels de santé, sans pour autant la guérir, parce qu'il n'y a pas de moyen définitif qui la guérisse. Mais au moins, on peut la traiter, ce d'autant qu'on la prend en charge tôt. Eh bien, on va en discuter. Hein. Tous ces sujets, voilà, évidemment, nous intéressent. Le volet recherche également, pour savoir où on en est aujourd'hui, quels sont les espoirs dans ce domaine. Et puis, bien sûr, vous allez répondre ensemble aux messages des auditrices, voire des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. On se retrouve dans un instant. Ne se lasse pas d'entendre les baleines chanter, mais eh bien, ça n'est pas leur sens de la mélodie qui nous intéresse aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science. Non, Mathieu, c'est d'un autre de leurs sens dont on va parler, leur odorat. C'est sur leur capacité à sentir les odeurs qui existent bel et bien, qu'une équipe de chercheurs français a travaillé. Alors, leurs résultats sont à retrouver dans la revue Plus One. On rejoint tout de suite Aurélie Célérier, une des auteurs de l'étude, en duplex depuis Montpellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, chercheuse en écologie comportementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS. Alors, ça fait que quand on pense aux baleines, à la façon dont elles perçoivent le monde, on pense tout de suite au chant et donc à leur capacité à entendre. Pourquoi vous êtes intéressée à l'odorat des baleines ? Bah effectivement, les cétacés, c'est-à-dire les dauphins et les baleines, ont toujours été considérés par les scientifiques comme anosmiques, c'est-à-dire dépourvus d'odorat. On les considère, comme vous l'avez dit, plutôt comme des êtres acoustiques avec le chant des baleines et puis l'écholocation aussi chez les dauphins qui a un sens particulier. Et donc la plupart des études scientifiques focalisent principalement sur cette communication sonore. Et pourquoi il y avait cette croyance ? Excusez-moi. En raison essentiellement d'arguments anatomiques, c'est-à-dire que chez les cétacés, les structures classiques qui sont impliquées dans l'olfaction chez les autres mammifères sont soit régressées, c'est-à-dire atrophiées, soit totalement absentes. Et ça, c'est lié en partie à une histoire évolutive assez originale, puisque les cétacés ont un ancêtre terrestre et ils sont secondairement retournés à la vie aquatique. Et ce changement de milieu au cours de l'évolution, ça a entraîné des changements énormes de leur anatomie, de leur physiologie. Et les voies respiratoires, notamment, sont totalement réorganisées par rapport aux autres mammifères. Il y a des bulbes olfactifs quand même chez la baleine ? Alors, chez la baleine, il y a des bulbes olfactifs, mais qui sont vraiment régressés. Et du coup, nous, on est parti effectivement de l'idée que chez les cétacés, peut-être que la perception chimique, elle pourrait ne pas être totalement absente, mais simplement organisée de façon différente des autres mammifères et reposée sur des structures peut-être plus originales. Alors, comment on fait en pratique ? Comment vous avez fait pour savoir si oui ou non les baleines pouvaient sentir des choses ? On a travaillé en milieu naturel, donc on a mesuré leur réponse comportementale et leur réponse acoustique à des stimuli chimiques qui étaient des stimuli liés à leur alimentation. Et donc on a diffusé deux types de substances, de la poudre de krill. Hein. Le krill, c'est des petites crevettes et ça constitue la source d'alimentation principale des baleines à bosse. Mmh. Et l'autre substance, c'est le DMS, le diméthylsulfure. Qui est une substance très volatile et qui est produite naturellement à la surface des océans quand le phytoplancton est dégradé par du zooplancton. Et comment vous avez regardé si les baleines réagissaient ? Vous les avez observées ? Alors, en fait, on a donc toutes les expériences. Donc, on diffusait ces différentes substances en alternance. On faisait des expériences contrôle, c'est-à-dire des expériences qui nous permettent de s'assurer que c'est bien les caractéristiques chimiques qui sont perçues. Par exemple, pour le krill, on diffusait de l'argile rouge. Hein. C'est une substance qui présente les mêmes caractéristiques visuelles que le krill, mais qui n'en présente ni le goût ni l'odeur. Et ensuite, on filmait toutes ces expériences par drone, de façon à mesurer, observer très finement les trajectoires des baleines et leur position par rapport au diffuseur. Donc voir si elles s'approchaient, si elles présentaient des comportements d'attraction. Et Aurélie Céléry, dans quelle région du monde alors vous avez fait ces observations exactement ? Alors, on a travaillé à différents endroits parce que, vous le savez, les baleines, ce sont des migratrices qui parcourent chaque année des milliers de kilomètres entre des eaux froides polaires où elles vont se nourrir et des eaux chaudes tropicales où elles viennent se reproduire. Et donc, on a réalisé nos expériences dans ces deux types de zones Donc dans deux zones d'alimentation, c'est-à-dire l'Islande et la péninsule antarctique, et dans une zone de reproduction, donc au niveau du canal Sainte-Marie à Madagascar, où elles viennent chaque année se reproduire. Alors, quels résultats vous avez obtenus ? Est-ce que vous avez eu des résultats différents en fonction des localités, par exemple ? Oui, effectivement. Donc, on a, de façon générale, on a observé qu'il y avait un comportement d'attraction vis-à-vis du krill, c'est-à-dire qu'elle reste plus longtemps dans la zone de diffusion et elle semble explorer la zone en plongeant et en réalisant des cercles autour. Et on a vu que l'intensité de ces réponses comportementales pour le krill, par exemple, elles étaient différentes en fonction des zones géographiques. Par exemple, on a eu des réponses plus intenses en Islande qu'en Antarctique. Et l'hypothèse qu'on a fait, c'est que naturellement, en Antarctique, il y a très peu de krill. Et que donc, le stimulus qu'on envoie, il ressort très bien du bruit de fond. Hein, il n'y a pas de krill, donc notre stimulus krill est très bien perçu par les baleines. Alors qu'en Antarctique, où les eaux sont naturellement riches en krill, eh ben, notre stimulus, il est relativement faible et le signal ressort peu du bruit de fond. Donc maintenant vous êtes sûr que les baleines peuvent sentir, mais on sait toujours pas bien sur quelle structure anatomique ça repose. Il faudrait continuer les recherches. Oui, effectivement. Nos résultats comportementaux montrent que effectivement elles sentent, mais ça veut dire que donc elles sont équipées anatomiquement pour le faire. Et donc en parallèle des études comportementales, on est en train de réaliser des études histologiques et immunohistochimiques sur des tissus qui sont prélevés de façon opportuniste sur des cétacés qui sont morts échoués. Et l'idée c'est qu'on essaye de mettre en évidence la présence et la localisation de récepteurs sensoriels chimiques, par exemple des récepteurs olfactifs ou des papilles gustatives. Et rapidement, est-ce que, bon là c'est la recherche fondamentale, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des applications concrètes en écologie ? Effectivement, ouais. Ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est acquérir des connaissances nouvelles sur ces cétacés, notamment ce sens qui est largement méconnu. Mais à plus long terme, quand on en saura davantage, on pourrait imaginer de découvrir des substances chimiques qui pourraient être utilisées pour leur conservation. Hein. La plupart des espèces de baleines sont menacées. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on pourrait trouver des substances répulsives. Qui permettrait de les éloigner des zones dangereuses potentiellement, par exemple les filets de pêche qui peuvent être des pièges ou les zones de trafic maritime intense où les collisions avec les bateaux peuvent être fréquentes. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Aurélie Célérier pour ces précisions autour de l'odorat et des baleines. Et c'est vrai qu'on en a rarement parlé ici au micro de la Tête au Carré. Merci à vous et Héloïse, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un épisode climatique de type El Niño frappe actuellement la Chine. Le phénomène lié entre autres au réchauffement des eaux du Pacifique entraîne une hausse des précipitations du mois de décembre jusqu'au 22 février dernier. Certaines villes du sud de la Chine ont enregistré jusqu'à 55 jours de pluie, soit 15 de plus que la moyenne de saison. 7 provinces ont même connu durant la même période un niveau de précipitation jamais vu depuis 1961. Résultat, les cultures de riz sont gravement menacées. L'épisode El Niño contribue aussi à une augmentation de la pollution atmosphérique. Samedi matin, un épais brouillard gris enveloppait encore Pékin. Une nouvelle exoplanète, c'est-à-dire une planète située hors de notre système solaire, vient d'être découverte par une équipe internationale d'astronomie. Ils publient leurs travaux dans la revue Astronomie et Astrophysique. C'est la nouvelle venue, s'appelle GL411b. Sa masse est 3 fois celle de la Terre, ce qu'en fait la 3e planète de faible masse la plus proche de notre système solaire. Elle est située à seulement 8 années-lumière de nous. Sa proximité avec la Terre va permettre aux scientifiques de sonder son atmosphère au cours de la prochaine décennie. Mais inutile de penser partir s'y installer un jour. GL411b reçoit presque 4 fois plus de lumière que la Terre, ce qui la rend bien trop chaude pour être habitable. Et puis l'Équateur a relâché 155 tortues géantes de l'espèce Chelonoidis odensis sur l'île de Santa Fe, dans l'archipel des Galapagos. La mise en liberté de ces spécimens âgés d'une dizaine d'années fait partie d'un programme de repeuplement de l'île après l'extinction d'une espèce similaire il y a plus de 150 ans. Les tortues libérées portent une micropuce d'identification sous la peau avec un numéro permanent pour faciliter leur survie. C'est ce qu'a précisé le directeur du Parc National des Galapagos. Le Parc National et l'ONG Galapagos Conservancy ont prévu de poursuivre ce programme de repeuplement de Santa Fe avec des tortues jusqu'en 2026. Allez, l'endométriose, dossier de la Tête au Carré dans un instant. On attend vos messages. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Je l'ai pourtant rangé comme il fallait. C'est pas croyable comme tout disparaît. J'ai trouvé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique. J'ai un nain fouillé tous nos secrets. Je n'ai rien trouvé dans le peu qu'il restait. Sous quelques brouilles au fond sans intérêt, des boules de gomme et des matins parfaits. J'ai gardé dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, aux vertus sympathiques, sous décollage à la gomme arabique. Ton amour, c'est vrai, mais après tout, personne n'est parfait. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je garderai dans mon carnet à spirale tout mon bonheur en lettres capitales. À l'encre bleue, au vertu sympathique, sous décollage à la gomme arabique. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Si tu n'en as plus d'autres, c'est bien fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Je peux pas me souvenir de ce que j'en ai fait. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. J'ai encore perdu ton amour, tu sais. C'est pas croyable comme tout disparaît. Tant pis pour moi, j'étais un peu distrait. Le carnet à spirale, petit souvenir offert par William Scheller. La tête au carré, Mathieu Vidard. J'ai l'impression qu'à la fois on verse du ciment dans l'utérus et en même temps il y a plein de petits pics qui essayent de sortir et qui repoussent vers l'extérieur et aussi qu'on prend mes ovaires et qu'on les presse. C'est à peu près ma sensation. Douleur insoutenable, malaise, vomissement. Pour Lucie, Naïs et Mariam, la période des règles a longtemps été synonyme d'enfer. Désespérées, elles ont pendant des années consulté de nombreux médecins et gynécologues, en vain. Je suis allée voir mon gynéco. Quand je suis allée le voir en lui disant bah, « il y a quelque chose, j'ai mal, c'est pas normal », j'ai dit « bah si, enfin, vous avez vos règles, vous êtes une femme, c'est normal d'avoir mal ». Je me suis retrouvée un peu en urgence chez mon médecin traitant, qui m'a dit d'une façon pas très ménagée que c'était probablement une grossesse extra-utérine. On m'a dit « oh ben non, vous avez mal, mais c'est pas très grave, le jour où vous aurez un enfant, ça remettra tout en ordre dans votre corps ». Pendant 15 ans, je n'ai pas su réellement ce que j'avais. Pour moi, j'avais juste mal à cause de mes règles. On m'a diagnostiqué seulement l'année dernière de l'endométriose. Dans mon ancien travail, on me disait que j'étais chouchotte, que j'avais tout le temps mal quelque part. Forcément, j'avais mal, mais qu'on ne me comprenne pas, ça me faisait encore plus de mal. Donc j'étais pas forcément à l'aise avec mes collègues de travail. Donc, je me disais que c'était de la comédie, alors que c'était juste des règles, c'était juste de la fatigue. Que je profitais du système, j'étais tout le temps en arrêt. Même mon médecin, quand j'allais le voir et que je lui disais que j'avais très mal au ventre, il me disait que c'était moi qui me provoquais la maladie. Que avec du doliprane ça passait, mais que je me stressais toute seule. Donc Voilà ces témoignages de femmes pour évoquer l'endométriose, cette maladie gynécologique à laquelle nous consacrons notre tête au carré cet après-midi à l'occasion de cette 15e semaine européenne de prévention et d'information qui démarre donc aujourd'hui jusqu'au 10 mars. Éric Petit avec nous pour en parler. Vous êtes donc radiologue responsable et fondateur du centre de l'endométriose à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Vous êtes responsable de l'unité d'imagerie de la femme au CIMI. C'est le centre d'imagerie médicale Italie, c'est ça? Et l'hôpital aussi Saint-Joseph. Hein. Et vous êtes président du réseau Résendo. Vous avez participé également à cet ouvrage tout sur l'endométriose, soulager la douleur et soigner la maladie qui est sortie chez Odile Jacob. Et puis Isabella Chanavaz-Lacheret, vous êtes en duplex de Rouen avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne au centre de l'endométriose de la clinique Tivoli à Bordeaux et vous faites partie du comité scientifique de l'association de patientes Endo France qui a publié les idées reçues sur l'endométriose. Alors les signes qui doivent alerter, les traitements pour soigner, les conséquences évidemment sur la vie quotidienne, on en parle avec déjà un nombre très important de messages d'auditrices en particulier, évidemment. J'aimerais peut-être vous lire celui-ci pour commencer et ouvrir l'émission. C'est Marilyn qui nous écrit « J'ai 26 ans. Depuis mes premières règles à 14 ans, je souffre de multiples douleurs. Et cela fait seulement un peu plus d'un an que j'ai entamé mon diagnostic. Je trouve qu'en tant que femme, nous ne sommes pas assez informés sur cette maladie. Ayant des douleurs depuis mes premières règles et ayant toujours connu des douleurs pendant mes rapports sexuels, j'en ai fait une banalité puisque j'ai toujours connu ça. Ma famille ne m'a jamais prise au sérieux ou bien me disait que c'était normal d'avoir mal malgré des douleurs m'empêchant quelquefois d'assister à mes cours ou bien d'être concentrée au travail. Il faut, dit-elle, que cette maladie soit connue pour aider les femmes à se faire diagnostiquer au plus vite et enlever ce tabou de maladie gynécologique. » Isabella Chanavaz-Lacheret, une première réaction peut-être sur ce message qui résume bien finalement ce qu'on peut dire de la maladie. Hein. Oui, malheureusement, c'est le parcours classique puisque beaucoup de patientes, beaucoup de jeunes femmes ne considèrent pas que c'est anormal d'avoir mal au ventre pendant les règles, leur entourage non plus, et malheureusement, le corps médical non plus. Donc, même si elles consultent, dans un certain nombre de cas, elles ne vont pas être entendues. On va leur dire que c'est normal et les autres douleurs qui se rajoutent après, qui apparaissent lors des premiers rapports, par exemple, soit elles vont pas en parler parce qu'elles n'ont pas l'impression que c'est anormal, soit elles ne seront pas entendues à nouveau et ça retarde le diagnostic. Alors dans un certain nombre de cas, les médecins vont avoir prescrit des examens, des échographies, mais souvent ces échographies sont faites à un stade où la maladie est encore trop petite pour être vue ou bien ne sont pas faites par des radiologues qui ont l'habitude de cette maladie. Et donc on va dire à la jeune femme, y a rien, ou en tout cas on ne voit rien, et le on ne voit rien devient il n'y a rien, ce qui n'est pas vrai. On peut pas avoir une échographie, éventuellement une IRM normale, et avoir cette maladie au stade ce qu'on appelle superficielle de l'endométriose qui fait extrêmement mal. Ce n'est que quand l'endométriose commence à infiltrer les organes qu'elle va se voir en imagerie et qu'à ce moment-là, tous les radiologues le verront, mais parfois il s'est déjà passé plusieurs années de souffrance pour rien. Éric Petit, vous aussi pour réagir au message de notre auditrice. Ce que dit Isabella Chanavaz-Lacheret, à savoir que le sous-diagnostic est permanent, il est d'abord en retard diagnostique moyen encore de 7 à 9 ans. Ouais. Donc une errance incroyable. Ce qui est considérable, surtout chez des jeunes femmes qui ont des projets de grossesse un jour. Donc cela est évidemment très préjudiciable. Et effectivement, il y a un problème net qui est l'absence encore de formation suffisante du corps des radiologues au diagnostic, car évidemment... Même pour la forme qui est relativement évidente et sévère, c'est pas toujours aussi simple de le voir. Et donc effectivement, ça répond quand même à une surspécialité dans la spécialité d'imagerie de la femme. Il y a deux niveaux de formation qui sont nos objectifs, c'est-à-dire d'abord le simple dépistage et ensuite le niveau d'expertise. Donc pas demander tout le monde d'être expert, mais si l'on veut dépister effectivement les formes débutantes légères, là il faut vraiment une réelle expertise avec une énorme expérience, avec une pratique quasi à 100% de cette maladie. Et ça c'est important parce qu'on tourne dans la négation de la maladie à partir du moment où on dit qu'on ne voit rien, et ça fait donc des siècles que cela dure. C'est pour ça qu'on a catégorisé cette maladie dans le psyché, puisqu'il n'y a pas de substrat organique qui permet de dire il y a une maladie organique qui est responsable de cette douleur. Donc c'est important de raccourcir ce délai diagnostique, donc de former effectivement nos collègues gynécologues, mes radiologues, et puis tout le monde, y compris pour l'écoute, parce que au tout départ, là où il y a problème, c'est qu'on n'écoute pas la souffrance féminine. Les douleurs féminines, les douleurs pelviennes, qui sont très très très fréquentes. Au-delà même de l'endométriose. Au-delà même de l'endométriose, sont déjà mal entendues. Et on considère que c'est normal. En fait, j'entends même parfois des patientes qui me disent, mais je pensais que les rapports sexuels devaient être douloureux normalement. Incroyable. Donc ouais. C'est impressionnant et c'est comme ça qu'on aboutit à cette négation qui prolonge le délai diagnostique et qui est évidemment très délétère. Et il y a une autre difficulté importante, c'est que cette maladie n'est pas l'importance des symptômes n'est pas liée à l'importance des lésions. C'est-à-dire que il n'y a pas c'est pas parce qu'on a une endométriose très sévère qu'on a forcément mal, et c'est pas parce qu'on en a à peine ou très peu et parfois difficile à détecter qu'on en a pas très mal. Ouais. C'est ça le problème. Isabella Chanavaz-Lacheret, oui, la prise en compte de la douleur, ça c'est quand même le gros problème aussi autour des maladies gynécologiques en général. Oui, mais particulièrement dans l'endométriose, parce que là, beaucoup d'autres maladies gynécologiques vont être du coup diagnostiquées sur la douleur. Tout à l'heure, dans un de vos témoignages, vous aviez une jeune femme qui disait que son médecin avait suspecté une grossesse extra-utérine, oui. Ce qui est une urgence vitale. Et donc, ces jeunes femmes vont aller aux urgences, et aux urgences, on va découvrir qu'elles n'ont pas d'urgence vitale. Et comme elles n'ont pas d'urgence vitale, même si elles ont très mal, ben, en fait, elles n'ont rien. Donc, elles sont renvoyées chez elles avec leur souffrance. Et c'est terrible de voir ces parcours de femmes qui ont beaucoup consulté, régulièrement aux urgences, qui n'est pas le lieu adapté parce que les urgences c'est fait pour l'urgence vitale, et qui ne vont jamais avoir été entendues en fait. Un autre témoignage d'Isabelle qui nous dit, on dit de l'endométriose qu'il s'agit d'une maladie bénigne parce qu'il ne s'agit pas de cellules cancéreuses. Or, elle n'a rien de bénin. Certaines femmes ne peuvent même plus digérer les aliments correctement ou aller à la selle tant l'endométriose s'est répandue. J'ai moi-même une vie de souffrance horrible due à cette maladie. L'appeler maladie bénigne est un manque de respect pour ses victimes. Éric Petit, ouais, alors c'est pourtant vrai. Un terme que vous employez dans le livre. Mais sur le plan fondamental, sur le plan scientifique, on est obligé de faire la distinction entre maladie bénigne et cancer. Mais dans sa considération... Dans sa considération. Pour les patientes, c'est une offense, parce que celles qui ont une forme sévère et qui sont très handicapées sur le plan social, fonctionnel, quotidien et professionnel, et de leur vie sexuelle, leur vie de couple, c'est évident que c'est pas bénin du tout, parce que ça peut quand même altérer énormément la qualité de vie. Donc effectivement, il vaut mieux éviter ce terme, et ça je le comprends, pour les patientes, ça n'a rien de bénin, c'est grave, mais heureusement, ça n'est pas la forte c'est pas la majorité. Non plus. Mais il y a quand même 30 à 40% de patientes qui sont très très invalidées, donc ce qui n'est pas négligeable du tout. Les 10% de Françaises qui sont concernées, donc, quand même. Donc ça fait énorme, beaucoup de monde. En termes de fréquence de maladies, de patientes atteintes, de façon sévère, oui. Donc je suis d'accord, c'est un terme qui est un peu mal vécu. Qui a fait réagir tout de suite sur le site de la Tête au Carré. Isabella Chanavaz-Lacheret, alors puisqu'il s'agit d'une maladie qui reste mal connue, on le disait à la fois des patientes et du corps médical, on va quand même la décrire pour compléter évidemment les témoignages que nous entendions à l'instant. Qu'est-ce qui caractérise alors l'endométriose exactement ? Alors, l'endométriose, c'est la présence d'endomètres ailleurs que dans la cavité utérine. Ça, c'est la définition. Alors, qu'est-ce que c'est la cavité utérine ? L'utérus est constitué de deux parties, un muscle qui s'appelle le myomètre et qui est le muscle qui permet de contracter pour accoucher. Et à l'intérieur, c'est tapissé par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Et cette muqueuse, tous les mois, elle s'épaissit pour devenir bien épaisse, bien douillette, pour accueillir un embryon s'il y a une grossesse. Mais dans l'immense majorité des cas, dans la vie d'une femme, toute cette préparation, elle se fait pour rien, parce que a priori, je crois que les femmes sont pas enceintes tous les mois, et donc cette muqueuse doit être évacuée si jamais il n'y a pas de grossesse qui s'implante dedans. Et c'est pour ça qu'une femme a ses règles tous les mois. Les règles, c'est un mélange de sang et d'endomètre. L'essentiel de ces règles est évacué par les voies naturelles, mais il y en a toujours une partie qui, au lieu de sortir par le vagin, coule aussi par l'intermédiaire des trompes et se déverse dans le bas-ventre. Ça, c'est complètement normal et ça, c'est vrai chez tout le monde. C'est ce qu'on appelle le reflux. Et c'est pas dû au tampon, c'est pas dû au COP, c'est normal, ça coule toujours un peu. Et tous les médecins qui font une écho pendant des règles ont vu qu'il y avait toujours un peu de liquide dans le bas-ventre. Eh bien, dans les jours qui suivent la fin des règles, il y a un processus de ménage qui doit se faire. Tout ça, ça doit être nettoyé, ce qui est dans le ventre. Et il y a à peu près une femme sur 10 qui fait pas correctement le ménage dans son ventre. Et du coup, il y a une partie des cellules d'endomètre qui vont rester et s'accrocher là où d'abord elles étaient juste tombées. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'endomètre ailleurs que dans la cavité utérine. Et ces lésions vont se développer avec le temps. Elles vont d'abord provoquer des règles douloureuses, parce que chaque fois qu'il y a des règles normales dans l'utérus, il y a des règles également dans le ventre. C'est pour ça que ça fait très mal au ventre pendant les règles. Mais en fonction de l'endroit où ça s'est déposé et ça s'est accumulé, ça va provoquer d'autres lésions et d'autres symptômes. Par exemple, si ça se dépose au-dessus du vagin, ça va provoquer provoquer les douleurs lors des rapports, au fond. Quand ça se dépose sur le tube digestif, ça peut infiltrer le tube digestif et provoquer des troubles digestifs à type de diarrhée, constipation, diarrhée pendant les règles, et puis parfois même ça peut boucher le tube digestif. Et ainsi de suite, ça dépend des organes où ça se trouve, et ça va donner des douleurs différentes en fonction de chaque femme et en fonction de chaque emplacement où ça se trouve. Éric Petit, complément d'une définition ? Tout à fait. Elle a exactement décrit, Isabella a bien décrit cette maladie. Je dirais qu'il s'y rajoute aussi une hypercontraction de l'utérus qui explique aussi en partie donc ces règles très douloureuses, encore d'une contraction trop forte et anarchique, et qui rend compte aussi d'un autre symptôme qui est l'abondance des règles, qui est souvent plus importante en quantité ou en durée par rapport à la femme normale, sans endométriose. Et puis au-delà de, après, une fois que les lésions, comme l'a dit Isabella, sont installées dans le ventre, ça crée de l'inflammation et des adhérences entre les organes, c'est-à-dire que les organes collent entre eux, ce qui est source en soi de douleur, et puis une infiltration des petits nerfs. Et ça, c'est ce qu'on explique grâce à Delphine Mullery, notre algologue principale, dans le livre, de façon importante, parce que on sous-estime souvent les mécanismes de la douleur et l'importance de ces douleurs qui deviennent chroniques au-delà des règles au bout d'un certain temps. Plus on tarde à faire le diagnostic, plus la maladie échappe au caractère uniquement cyclique lié aux règles. C'est-à-dire que la douleur devient chronique, et c'est par englobement des petits nerfs, et après ça retentit sur l'ensemble de l'organisme, y compris la musculature, et donc finalement ces douleurs se diffusent de façon invraisemblable, et donc c'est des patientes qui peuvent échapper au traitement simple tel qu'on va en parler tout à l'heure, et ils sont plus compliqués à prendre en charge au-delà d'un certain temps. C'est pour ça qu'il est à nouveau critique de faire le diagnostic le plus tôt possible pour enrayer la maladie avant qu'elle devienne chronique au-delà du stade des règles. Allez, justement, les traitements dans un instant et les très nombreuses questions pour vous qui arrivent sur franceinter.fr. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré. On parle de l'endométriose. Le temps d'écouter Kerenan qui sort un nouvel album avec en extrait Bleu sur France Inter. Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard. C'était Kerenan. La Tête au Carré sur France Inter. Voilà mes invités, Eric Petit en studio, Isabella Chanavaz-Lacheret en duplex de Rouen pour répondre à toutes vos questions. Elles sont très nombreuses hein, au sujet de l'endométriose, à l'occasion, on le disait tout à l'heure, de cette 15e semaine européenne d'information. Et elle est d'importance, si l'on en juge, par le nombre de personnes, de femmes concernées. Eric Petit, vous le disiez tout à l'heure, même probablement plus que 10%. Plus de 10% probablement, les chiffres sont a priori sous-estimés. Ouais. Alors dans cet ouvrage que vous publiez chez Odile Jacob, tout sur l'endométriose avec vos consoeurs d'ailleurs et confrères, vous parlez de l'histoire aussi de cette maladie qui est très ancienne. Oui, hein. C'est un chapitre très important auquel je tiens beaucoup parce que c'est important pour éclairer ce que l'histoire et la façon dont cette maladie a été intégrée dans la psyché féminine. Oui. C'est-à-dire qu'elle a été découverte en moins 1800, enfin la première patiente décrite est égyptienne en moins 1855 et après tout le corps plus Hippocratique, les médecins autour d'Hippocrate et Hippocrate lui-même l'ont comprise comme étant une maladie organique. Puis ensuite, on a replongé au travers notamment du Moyen-Âge dans la notion psychique d'une maladie que l'on ne trouvait pas sur le plan organique évidemment, avant l'avènement de la médecine un peu plus scientifique à partir du 19e siècle. Ouais. C'est là que le nom va être... On a enfin, en 1860, un certain Okitansky à Vienne a fini par mettre... en évidence que c'était ces cellules, comme le disait Isabella Chanavaz, d'endomètres qui n'étaient pas à leur place. Donc voilà, donc ça ne fait qu'à peine plus de 150 ans, mais au vu d'une histoire clinique bien plus de long, plusieurs milliers d'années, oui, bien sûr. Et donc c'est pour ça que c'est pas, on remonte pas le temps comme ça facilement pour éradiquer de l'idée de tout le monde, y compris du corps médical, que la douleur n'est pas dans la tête. C'est ça. Mais elle a pourtant été acceptée pendant des milliers d'années, bien sûr, par les femmes. Voilà. Isabella Chanavaz Lacheret. Beaucoup de questions des auditrices, en particulier Christine, qui demande s'il y a une transmission entre la mère et la fille de l'endométriose. Elle est convaincue que sa mère agricultrice a souffert de la même maladie car elle ne peut pas oublier sa fragilité de l'époque lorsqu'elle restait couchée pendant ses règles. Alors, on sait qu'il y a un sur-risque quand il y a plusieurs femmes dans la famille qui sont atteintes. En même temps, on n'a pas réussi à démontrer pour l'instant l'origine génétique de cette maladie. Et c'est vrai que en pratique, on constate qu'il peut y avoir une famille où il y a trois sœurs, il y en a deux qui sont touchées, la troisième pas du tout, ou le contraire, et on ne s'explique pas pourquoi. Il y a beaucoup de recherches là-dessus, c'est ce qu'on appelle de la recherche fondamentale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce défaut de ménage et pourquoi il y a ces implantations d'endomètres au mauvais endroit. Aucune théorie n'explique tout. En tout cas, en même temps, on est sur une pathologie qui touche probablement au moins une femme sur 10. Donc après, statistiquement, vous pouvez faire quasiment tous les croisements que vous voulez, tellement c'est fréquent en fait. Donc est-ce que c'est familial? Est-ce qu'il y a juste un facteur familial? Est-ce qu'il y a du génétique? On ne sait pas très bien. Eric Petit? Oui, il y a les deux probablement. Et la génétique est complexe parce qu'il n'y a pas un seul gène qui est impliqué, mais plusieurs. Donc les recherches génétiques progressent lentement sur le sujet. Il y a quand même, y compris chez les jumelles par exemple, on a des vrais profils génétiques avérés dans certaines familles. Et puis d'autres, c'est beaucoup plus compliqué de se faire une idée. Ça c'est sûr. Et puis il y a, je pense, effectivement, une transmission unihétéro qui est probablement également sous-estimée. Et cela, on fait appel aussi aux facteurs environnementaux et à l'épigénétique. C'est la modification du génome en fonction de ces facteurs environnementaux. Ouais. Donc, c'est une maladie complexe dont la cause est en fait multifactorielle, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la maladie finit par émerger ou pas. Et puis, il y a aussi des facteurs de déficience immunitaire, c'est-à-dire les systèmes de défense chez tel ou telle femme est moins à même de se défendre contre l'implantation de ces cellules dans le ventre et pour des raisons donc de maladies qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire qu'en pratique on s'est aperçu aussi qu'il y avait des associations non négligeables à un certain nombre de maladies chroniques, autres maladies chroniques dites auto-immunes, donc elle fait en partie de ces maladies auto-immunes également. Isabella Chanavaz-Lacheret, beaucoup de questions, hein, je vais donc vous les transmettre au fil de leur réception. Jean-Marc, il nous demande si l'endométriose évolue avec les grossesses chez la femme. Alors, je vais faire une petite digression, c'est que le premier traitement de l'endométriose, c'est de supprimer les règles. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de mieux comme suppression des règles que 9 mois de grossesse? Oui. Donc, pendant la période de la grossesse, la patiente, elle est soulagée parce qu'elle n'a pas ses règles et ça ralentit l'évolution de la maladie. Ça a d'ailleurs fait longtemps croire que la grossesse guérissait l'endométriose, ce qui est faux, juste elle la met en sommeil, en fait. Oui. Donc, la grossesse ne permet pas de guérir de l'endométriose, elle permet juste de souffler un peu pendant quelques mois. Oui. Et quand vous dites arrêter les règles, alors on procède comment en dehors de justement la grossesse? Alors la manière la plus simple, c'est des traitements hormonaux, et le plus simple, c'est d'enchaîner des plaquettes de pilules, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent la pilule, oui, et qui prennent la pilule 3 semaines, et puis pendant une semaine ne prennent rien, et pendant cette semaine-là, elles ont des règles. D'ailleurs, elles croient que c'est des règles parce que c'est des fausses règles. Mmh. Ça s'appelle des hémorragies de privation. C'est le fait d'arrêter la pilule qui fait que brutalement il y a une chute d'hormones dans le sang et ça fait saigner. Mais ce ne sont pas des vraies règles. Mais ça rassure les femmes. Sachez que, mesdames, ça ne sert à rien. Les règles sous pilule, ça ne sert à rien, et que donc on peut tout à fait enchaîner les plaquettes de pilules et ne pas avoir des règles. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui l'ont fait pour des vacances, pour des examens, mmh, en ayant un gros sentiment de culpabilité, en se disant qu'elles faisaient quelque chose de pas bien. Non, il n'y a aucun problème, on peut enchaîner les plaquettes de pilules. Donc ça, c'est la manière la plus simple de ne pas avoir de règles. Après, il y a des méthodes un peu plus lourdes, il y a d'autres traitements hormonaux, il y a parfois des traitements très lourds comme des traitements de mise en ménopause artificielle. Ça reste, ouais, des traitements qu'on utilise ponctuellement autour de la chirurgie ou autour de l'assistance médicale à la procréation. Voilà, il y a plein de manières de ne pas avoir de règles. Éric Petit ? Oui, tout à fait, je n'ai rien à rajouter. Eh ben, on passe à la prochaine question, parce qu'il y en a beaucoup, alors justement. Est-ce que, demande Stéphanie, les tampons hygiéniques peuvent être impliqués comme un des facteurs favorisant le développement de l'endométriose ? C'est peut-être pour vous, Isabella Chenavaz-Lacheret. Je l'ai dit tout à l'heure, le reflux, c'est-à-dire le fait que les règles coulent dans le ventre par l'intermédiaire des trompes, c'est naturel. Ça n'est pas lié au tampon, ça n'est pas lié au COP, c'est comme ça. Si la douleur n'est pas un marqueur systématique de l'endométriose, nous dit Lily, alors comment savoir si l'on est atteinte de cette maladie, Éric Petit ? Alors c'est quand même le symptôme principal. Oui, le symptôme principal, mais il y a un pourcentage minoritaire de patientes qui n'ont pas de douleur. Mmh. Et c'est assez fréquemment le cas, notamment des patientes d'origine asiatique, qui pour des raisons probablement génétiques sont couvertes vis-à-vis de la douleur. Ouais. Et donc ne se manifestent, hélas souvent que tardivement après en général 35 ans, quand elle désire être enceinte, et que là, parfois, si la maladie a vraiment évolué de façon intense, qu'elle est devenue sévère malgré aucune douleur, ne leur permettent pas d'être enceinte facilement, donc il y a une hypofertilité, mmh, et c'est comme ça que l'on découvre la maladie. Alors, les conséquences de la douleur, justement, une illustration tout de suite, avec un reportage qui avait été diffusé dans l'émission Je t'aime, etc. sur France 2, concernant un couple, justement, et la douleur, précisément, dans la vie d'un couple. À un moment donné, quand on souffre, on s'endurcit beaucoup. Donc j'étais beaucoup moins affectueuse, tactile, beaucoup plus renfermée. Les douleurs que j'avais étaient surtout digestives. Des douleurs aussi après les rapports, en fait, le lendemain. J'étais la journée pliée en deux, fallait que je prenne des antidouleurs. La maladie, ouais, nous a pris, m'a pris, moi, oui, tout ce qui est devrait être naturel dans un couple et léger. L'envie, le désir, parce qu'on sait que derrière, peut-être qu'elle va avoir mal ou il peut y avoir des répercussions. Donc ça fait réfléchir, alors que c'est des moments où on ne doit pas réfléchir, c'est des moments de lâcher prise. On a clairement passé de longues périodes sans qu'il y ait d'intimité, de relations sexuelles, des périodes qui se comptent en mois, voire années. Parce que à force d'être examiné, opéré, etc., aussi, ça fait que ça devient un lieu plus médical que charnel. Et voilà, on n'arrive plus à retrouver sa féminité, en fait. Est-ce qu'on aime différemment quand on n'a pas de vie intime, Mathieu ? Je pense que la sexualité est devenue quelque chose de tabou. C'est pas facile d'en parler. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent et sans faire de peine. C'est parce que, déjà, qu'elle souffre. Si en plus je dois lui dire que j'ai moins de désir pour elle parce qu'elle souffre, c'est deux fois plus culpabilisant. Isabella Chenavaz-Lacheret, Éric Petit, un commentaire peut-être sur ce qu'on vient d'entendre. Isabella Chenavaz-Lacheret, pour commencer, sur les effets collatéraux finalement de l'endométriose sur la vie intime. Oui, alors les douleurs de rapport, c'est vrai que ça retentit sur le fait que, comme elle a peur d'avoir mal, elle a plus envie, et puis le mari le ressent, donc ça diminue la sexualité. Et puis, ça peut être une cause majeure d'infertilité. L'endométriose, c'est une maladie qui fait mal, mais c'est une maladie qui peut rendre infertile aussi, en abîmant les trompes et les ovaires. Mais ça peut rendre infertile aussi, parce que quand on n'a pas de rapport, on n'est pas souvent enceinte. Après, on rentre dans un cercle vicieux, un engrenage de pas de rapport, douleur, pas de grossesse, dans la tête, ça devient difficile à vivre pour le couple, etc., etc. Donc oui, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et comme dans beaucoup de cas, les patientes, elles ont dit qu'elles avaient mal et qu'on leur a dit que c'était dans leur tête, eh ben elles vont d'autant moins l'exprimer et d'autant moins être capables de sortir de ce cercle vicieux. Et quelquefois, quand on diagnostique une endométriose dans un parcours d'infertilité, dans ce cas-là, on voit le couple et qu'on dit mais oui, vous avez ces douleurs-là, c'est de l'endométriose. Eh ben il y a un soulagement, même si la maladie est grave, il y a un soulagement de la patiente et du couple qui se dit non mais on n'a pas rêvé, il y avait bien un truc qui nous empêchait de vivre notre vie quoi. Éric Petit, pour terminer là-dessus. Ça, c'est très important, effectivement, d'établir le diagnostic organique de la maladie. Et effectivement, souvent, il y a même des larmes d'émotion quand à apprendre qu'elles ne sont pas folles et que c'est pas dans leur tête qu'il y a une maladie organique qui est responsable de cela. Et c'est des patients qui s'isolent rapidement sur le plan social, dans le couple, par rapport à leur famille. Donc, c'est une vraie souffrance psychique qui, en plus, envenime et aggrave la perception de la douleur. Donc, il y a un cercle vicieux entre le corps et la psyché, évidemment. Après, au bout d'un certain temps, le psychisme est atteint, mais c'est secondaire. Allez, suite et fin de notre discussion. Suite à la douleur organique. Dans un instant. Et d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. We took a vow in summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. Harmony Hall, c'était Vampire Weekend. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, on le rappelle, c'est la semaine européenne d'information autour de l'endométriose qui commence aujourd'hui. Et pour en parler, donc mes invités, le radiologue Éric Petit, Isabella Chenavaz-Lacheret, gynécologue, et vos nombreux messages sur franceinter.fr. On peut peut-être donner les deux sites internet, raisando.fr d'abord, Éric Petit. Oui, exact. C'est le site internet de notre équipe, de notre réseau Ville-Hôpital Endométriose. Qu'est-ce qu'on peut savoir en allant sur ce site? On apprend, d'abord on voit toute la liste des professionnels de santé qui sont importants en Ile-de-France et même au-delà. Et puis beaucoup de textes qui parlent de l'endométriose, qui résument ce que c'est, la façon dont on peut la traiter, et puis les actualités. Enfin, il est très complet. Et c'est une porte d'entrée importante pour les malades pour être suivis correctement par un groupe expert. Voilà. Resando.fr, évidemment, il est en lien sur La Tête au Carré, tout comme ce site endofrance.org, Isabella Chanavaz-Lacheret. Oui, alors ça, c'est le site de l'association de patientes, qui est la plus ancienne, qui a plus de 15 ans d'existence, plus de 2000 adhérentes, et qui est reconnue par le ministère, et qui est impliquée depuis très très longtemps dans l'amélioration de la prise en charge de l'endométriose et de faire sortir cette maladie de l'ombre, qui travaille avec les pouvoirs publics également, et avec les professionnels de santé. Et donc, cette association, elle regroupe sur son site, qui est très bien fait, beaucoup d'informations. Alors, elle ne donne pas de liste de praticiens, il y a des correspondantes dans chaque région, et donc les femmes qui souhaitent avoir plus d'informations et trouver dans leur région un praticien expert dans leur maladie pourront s'adresser à elles par ce biais-là. Éric Petit. Oui, je rajouterais qu'il y a aussi deux autres associations en France qui sont EndoMind France et puis MEMS, c'est-à-dire Mon Endométriose, Ma Souffrance. Donc elles sont trois maintenant, bien cataloguées et bien connues, et qui permettent d'aider les patientes à trouver les praticiens plus spécialisés dans la prise en charge de cette maladie. Et puis ce livre dont vous êtes l'un des auteurs, Éric Petit, tout sur l'endométriose, qui est également sur le site de La Tête au Carré, publié chez Odile Jacob. Alors, Isabella Chanavaz-Lacheret, cette question qui revient beaucoup dans les témoignages des auditrices, Géraldine qui nous dit, qui vous demande, si l'endométriose entraîne systématiquement une stérilité. Non, pas du tout. Ça, c'est très important. C'est un facteur de risque d'infertilité d'avoir de l'endométriose. Mais le tabac aussi, c'est un facteur de risque d'infertilité. C'est au même titre. Il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose qui sont absolument pas infertiles. Donc vraiment, ce n'est pas une condamnation. C'est un facteur de risque. Et donc, chez une jeune femme qui a de l'endométriose et qui est traitée, je vous rappelle que le traitement, c'est de supprimer les règles. Et aujourd'hui, tous les traitements qui suppriment les règles, ils sont contraceptifs. Donc, pour toute une période de la vie, ça va bien convenir à la jeune femme de ne pas être enceinte quand elle ne le souhaite pas. Mais c'est vrai que le jour où elle veut faire un bébé, elle est bien obligée d'arrêter son traitement de l'endométriose, mais il faut surtout qu'elle fasse ce qu'il faut pour être enceinte le plus rapidement possible, pour éviter les règles, les douleurs et que la maladie évolue. Et puis, si jamais elle n'est pas rapidement enceinte dans les 6 mois, il faut qu'elle consulte pour qu'on l'aide éventuellement à vérifier s'il n'y a pas autre chose. Par exemple, il faut savoir que l'infertilité, c'est autant lié à l'homme qu'à la femme. Donc, parfois, ça peut ne rien avoir à faire avec l'endométriose de la dame, mais ça peut être un problème de sperme, par exemple. Et tout ça, ça doit être vérifié rapidement. Il ne faut pas attendre en cas d'endométriose quand il y a un désir d'enfant. Éric Petit. Oui, absolument. Ça, c'est fondamental de rappeler ça aux patientes qui sont toutes en tête qu'elles seront stériles si elles ont l'endométriose. Ça fait très peur, effectivement. Il faut dire ce qu'a dit Isabella. C'est un facteur de risque pour la fertilité, surtout si l'endométriose est plus sévère, évidemment, il y a un peu plus de risque. Mais globalement, ça ne rend pas stérile du tout. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ça ne se guérit pas, l'endométriose. Non. Il y a des traitements, mais ça ne se guérit pas. L'objectif, c'est donc d'abord de soulager la douleur. Absolument. Soulager, accompagner la patiente pour la rendre la moins douloureuse possible, avec une amélioration significative de sa qualité de vie. Ça, c'est évident, c'est notre rôle à nous, les professionnels de santé, les médecins, et autres de l'équipe, parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a aussi tous les paramédicaux, entre guillemets, c'est comme ça qu'on les appelle, parce qu'il y a des tas de techniques qui parallèlent, au-delà des médicaments et des traitements hormonaux et de la chirurgie, qui permettent de soulager la douleur, parce que finalement, elles ont quand même un état constitutionnel de fragilité face à la douleur, donc il faut s'en occuper de façon chronique. Et parfois, on opère certaines patientes qui ont une forme très sévère et ça les soulage. Mais globalement, ce n'est pas avant tout une maladie chirurgicale, c'est une maladie qui en fait fait appel à plusieurs modes de traitement. Le traitement hormonal, ça c'est avant tout évidemment important pour arrêter les diffusions de la maladie, et puis la chirurgie dans certains cas, et puis l'accompagnement de la douleur quasiment tout le temps, parce que c'est... On dit dans le livre, le sport par exemple. Le sport c'est très important. L'ostéopathie par exemple. L'ostéopathie fait partie des techniques et aide, l'acupuncture, l'hypnose, enfin il y a tout un arsenal thérapeutique qu'il ne faut pas sous-estimer, et qu'il faut employer pour soulager ces patients, de leur rendre qualité de vie optimale. Isabella Chanavaz-Lacheret, Judith demande à partir de quelle douleur ou quelle force des douleurs doit-on consulter et quels sont les autres symptômes possibles de la maladie non évoquée? Alors, dans le domaine de la douleur, alors Delphine Hillery qui a écrit le livre avec Eric Petit le dirait mieux que moi, mais on utilise souvent ce qu'on appelle les échelles analogiques visuelles de la douleur. C'est-à-dire qu'on demande aux patientes de coter leur douleur de 0 à 10. Mm-hmm. 0, elles ont pas mal du tout, et 10, c'est la douleur maximum qu'elles puissent imaginer avoir un jour dans leur vie. À partir du moment où on atteint ou on dépasse 3, c'est une douleur chronique, c'est une douleur qui nécessite une prise en charge. Ouais. Donc à partir de 3, il faut se poser la question, mais quand on dépasse 5, il faut plus la poser. On a mal, on consulte. Ouais. Justine demande, elle aimerait savoir comment on fait lorsqu'on n'est pas pris au sérieux par les médecins et que les radiologues ne sont pas formés à cette maladie, Éric Petit. Eh bien, il faut trouver les spécialistes plus aguerris pour finir par faire le diagnostic. Et donc à ce moment-là, on met un mot en fait sur cette maladie, on la réoriente vers l'organicité, donc on la traite et on la prend au sérieux, effectivement. Donc il faut trouver les bons médecins, entre guillemets, qui s'occupent de cette maladie. Donc effectivement, on se réfère encore aux sites divers et variés, notamment des associations et patientes, qui peuvent les aider à trouver les gens à même de, les professionnels de santé à même de l'écouter et de la prendre en compte et de faire le diagnostic de façon précise. Ouais. Véronique dit, ma fille a 18 ans et se demande comment elle peut se faire diagnostiquer une éventuelle endométriose. Ouais. La seule radiologue compétente sur sa ville est en arrêt maladie longue durée. Alors, elle aimerait bien savoir comment se faire diagnostiquer dans ces cas-là. Il faut consulter donc les radiologues qui sont plus spécialisés. Et puis, il y a deux solutions. Soit c'est l'échographie endovaginale si la patiente n'est pas vierge. Si elle est vierge, c'est l'IRM, évidemment, qui est le premier examen à faire. Et on peut faire le diagnostic d'endométriose chez l'adolescente, mais effectivement, il faut connaître. Dernière question, Isabelle Achenavaz-Lacheret. Les pistes de recherche aujourd'hui, sur quel front est-ce qu'on a des promesses intéressantes dans tous les cas? Alors juste je voulais revenir sur le item précédent, la difficulté de l'accès de la prise en charge. Ouais. On a demandé aux pouvoirs publics de nous aider à mettre en place des centres experts sur toute la France. Mmh. Le Collège national des gynécologues obstétriciens y a travaillé. Il y a un réseau, un maillage territorial qui est prêt à être mis en place, mais il faut qu'on nous aide pour justement limiter ces problèmes d'accès à des professionnels qui connaissent cette maladie. Donc on a besoin d'aide pour ça. Et sur la recherche. La deuxième chose, sur la recherche, il y a beaucoup de recherches cliniques avec des pistes intéressantes, mais parfois contradictoires sur des points bien précis de différents types d'endométriose. Sur de la recherche qui permet de dire on va guérir l'endométriose, pour l'instant, malheureusement, on est encore loin d'avoir trouvé. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci aux très nombreux messages des auditrices et auditeurs avec donc ces deux sites, resendo.fr, endofrance.org, entre autres, ils sont sur le site de la Tête au Carré, et puis ce livre, Tout sur l'endométriose, chez Odile Jacob.